recevrons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur un sujet. On mérite la vie qu'on a. En d'autres termes, s'il y en a qui ne sont pas fatalistes, vous allez comprendre pourquoi vous devez l'être. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. On parle souvent de l'apocalypse, on parle souvent de... On parle d'apocalypse dans les milieux ésotériques, là, et puis de fin de cycle, dans les milieux plus évolués. Et on en vient souvent, l'individu, à se poser la question, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi que les événements qui se placent dans ma vie s'est tombé sur moi? Et puis le titre, le sujet de la conférence, c'est « On mérite la vie qu'on a ». Dans quelle mesure un individu qui est en processus d'évolution peut se libérer de la fatalité ou d'une destinée ou d'une sorte de cycle de problèmes qui se répète tout le temps ou qui revient tout le temps dans sa vie? Ou est-ce que c'est vraiment possible de se libérer d'un cycle de mutation ou de changement qui n'est pas toujours apprécié, disons, par l'ego, là, comme tel? L'homme, c'est pas un être intelligent. À part la soirée. L'homme, il a un intellect, il peut avoir un bel intellect, mais il n'est pas nécessairement intelligent. Puis, l'homme fait l'équivalence de l'intelligence avec son intellect. Puis, il ne réalise pas que son intellect... Pardon. Son intellect est fondé sur du mémoriel, fondé sur des habitudes de pensée. Puis, l'homme, c'est un être qui a une conscience expérimentale. Puis l'homme ne comprend pas ce que ça veut dire, une conscience expérimentale. Une conscience expérimentale, c'est une conscience où l'être humain n'a pas tous ses moyens et où il est obligé de vivre par rapport à des événements qui constituent dans sa vie un labyrinthe incroyable. Puis, la fondation de son ignorance, la cause de son manque d'intelligence, ce sont ses émotions. Des émotions qui sont partagées entre un intellect matériel ou un intellect spiritualisé. L'homme ne comprend pas que la vie, c'est une game. Il ne comprend pas que c'est une game parce qu'il n'est pas en contact mental avec ceux qui créent la game. Il pense qu'il vit dans un vase clos, sur une planète plate ou ronde. Les psychologues, les philosophes, les penseurs de l'évolution ont refusé de regarder objectivement le phénomène humain à partir d'un plan psychique. Ils ont toujours voulu le regarder à partir d'un plan psychologique. Donc, ils ont enlevé à l'homme la possibilité de vivre ses pensées dans un autre registre, de réellement pouvoir communiquer, être en communication avec d'autres plans qui font partie de sa conscience et qui pourraient lui apporter de l'intelligence, donc de la clarté, donc conclusivement de la lumière pour se libérer, se sortir de ce labyrinthe-là et comprendre la vie comme une science exacte et non pas la vie comme une expérience, donc sortir de la conscience expérimentale pour entrer dans une conscience créatrice. L'homme, à cause de sa mémoire, à cause de son lien émotif avec la conscience de sa race, donc de sa nation, de son lien émotif et spirituel avec les penseurs de sa race et de sa nation, a établi des habitudes de pensée qui sont à la base de son infériorité mentale, sont à la base de son incapacité de voir clair. Et quand je dis voir clair, je veux dire voir à travers le jeu de la vie, qui est un jeu qui peut être très, très occulte. Les dimensions occultes de la vie sont là, ils ont toujours été là. C'est à l'homme de s'élever en conscience pour venir en contact avec ces plans-là puis pour pouvoir comprendre la vie comme ces plans-là peuvent le lui expliquer d'une façon objective, catégorique. Donc l'homme n'est pas un être intelligent et l'homme ne peut pas être blâmé pour ceci parce que les pères de la race, quand je parle des pères de la race, je parle des chefs, des leaders, des penseurs, des écrivains, des philosophes, de ceux qui s'occupent des religions, autrement dit de tous ceux sur la terre qui s'occupent du patrimoine humain, qui ont techniquement la responsabilité de faire évoluer la civilisation, ces êtres-là aussi sont pris dans le même engrenage que l'homme. Donc, ils ne sont pas plus intelligents que l'homme, mais disposent de moyens didactiques qui leur permettent, pour des raisons de supériorité ou d'autorité spirituelle ou d'autorité métaphysique, d'autorité philosophique ou d'autorité politique, d'imposer à l'homme leur façon de penser. Donc, l'homme s'est laissé imposer pendant des siècles des façons de penser qui constituent pour lui le plan le plus inférieur de sa conscience. Il va falloir un jour que l'homme prenne sa conscience dans ses mains, qu'il arrête de faire, d'introduire d'autres personnes, d'autres créateurs de pensée ou formulaires de pensée qui influent sur son mental et qu'il prenne finalement conscience que, dans le fond, il est un être intelligent. Mais seulement dans la mesure où il est capable de vivre sa vie par rapport à ce qu'il sait, même si c'est un petit peu au début, pour en arriver avec le temps à s'habituer à ce qu'il sait. Et une fois que l'homme va s'habituer à ce qu'il sait, lui seul, en tant qu'individu, l'homme commencera à être intelligent et à comprendre, plus il va aller loin, à comprendre le phénomène occulte de la vie, puis se sortir de ce labyrinthe. Maintenant, diriez-vous que la vie qu'on a, c'est la vie de nos pensées? La vie que vous avez, c'est la vie de vos pensées, parce que vos pensées sont la substance phénoménale de votre ego. Vos pensées sont la substance dont se servent les plans obscurs pour travailler avec vous, mais toujours contre vous. La pensée n'est pas un phénomène individuel. La pensée est un phénomène interplanaire. La pensée devient un phénomène individuel, individualisé, quand l'homme a finalement réussi à dompter la source de sa pensée, ou les sources de sa pensée. Quand l'homme a dompté ça, parce qu'il a dompté ses émotions, puis il a dompté sa conscience expérimentale, à ce moment-là, bien, le monde de la pensée, qui ultimement est un plan mental très élevé, lui est facilement accessible, il n'y a plus besoin de méditation, il n'y a plus besoin de béquilles, il n'y a plus besoin de rien. Ça fait partie de sa conscience multidimensionnelle. Et à ce moment-là, il est capable de comprendre autant la vie matérielle, les affaires, la science, la philosophie, que les plans plus subtils, puis les autres dimensions de l'existence. L'univers n'est pas un vase clos, c'est un vase ouvert. La vie est multidimensionnelle et l'homme est un être multidimensionnel. Mais le problème de l'homme, c'est que il y a beaucoup de difficultés à isoler son être de tous les égrégores créés par les pensées, de tous les êtres morts ou vivants qui existent autour de lui. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'individualité. Et c'est pour ça qu'à la fin du cycle, l'homme, il est donné à l'homme d'accéder par communication télépathique à ces plans-là. Donc, il est donné à l'humanité d'avoir accès à une instruction, à une science exacte de tous ces plans-là. Et l'homme, selon sa mesure, selon son niveau d'évolution, selon sa capacité d'agir plutôt que de réagir, va pouvoir en arriver éventuellement à prendre conscience de son être et réaliser que la personne la plus importante au monde, à tous les niveaux, c'est lui. Mais quand vous dites s'isoler des sources de la pensée, c'est-à-dire s'isoler des égrégores et dompter les sources de sa pensée, quand vous parlez d'isolement de tout ce qui est phénoménologie de pensée de l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut avoir dompté pour quelqu'un être capable de faire ça? Il faut avoir cassé en soi l'habitude de penser comme les autres. Il faut avoir cassé en soi l'habitude de suivre les autres. Il faut avoir cassé en soi l'habitude d'être suggéré par les autres. Il faut avoir cassé l'habitude de se référer aux autres. Il faut avoir cassé l'habitude de penser que les autres sont plus intelligents. Puis où est-ce que se situe la difficulté? Parce que la difficulté se situe dans notre... Excusez-moi, je suis juste... la difficulté se situe dans le besoin collégo de vivre une certaine approbation sociale pour se transfigurer créativement. L'ego a toujours besoin d'une approbation sociale pour se transfigurer. Donc, il n'est pas capable seul, par rapport à ses propres entrailles, de se transfigurer. Il se transfigure toujours avec l'aide, un petit peu l'aide des autres, un petit peu l'aide des autres, un petit peu l'aide des autres, un petit peu. Fait qu'automatiquement, il collecte des égrégores. Il se pollue lentement. Puis éventuellement, ça devient tellement, il devient tellement habitué à ça qu'il est totalement pollué, la planète est polluée, puis il vit dans une planète polluée, pas seulement matériellement, mais psychiquement. Et éventuellement, la vie n'a plus de sens parce que tout ce que l'homme construit sur le plan matériel fait partie de ces lois inférieures-là, ces lois astrales-là. Donc, éventuellement, l'homme est prisonnier de ces lois-là au niveau de l'amour, au niveau de l'intimité, au niveau du travail, au niveau des amitiés. Puis éventuellement, il n'y a plus d'identité, puis il devient un numéro, comme on dit. Puis à partir de ce moment-là, bien, il devient esclave du système. Puis ça devient de plus en plus difficile pour lui de se sortir du système, parce que pour se sortir psychiquement du système, pas physiquement, mais psychiquement du système, être totalement individualisé, il faut avoir des grosses couilles. Bernard, quand on parle de s'individualiser, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser qu'il faut se rebeller. Est-ce qu'il y a se rebeller? La rébellion, c'est la rébellion psychique, la rébellion intérieure, c'est le début de l'assaut de l'homme contre ses propres forces souterraines. Un homme qui ne se rebelle pas, qui n'en arrive pas un jour à se rebeller, pas contre la société, contre lui-même, pour shaker son art, ne peut pas en arriver à être intelligent. Parce que ce qui fait qu'il n'est pas intelligent, il ne se l'admettra pas. Il va le rationaliser. Et on a été dit depuis des siècles que l'homme est fait pour souffrir, les peuples sont faits pour souffrir, l'humanité est faite pour souffrir. Puis la seule raison qu'on a dit ça, c'est parce qu'on a parlé en fonction d'un passé. On a parlé en fonction d'un statu quo. On n'a pas parlé en fonction de la puissance de l'homme. L'homme n'est pas fait pour souffrir. Il souffre parce que conséquemment aux lois de l'évolution, conséquemment aux lois astrales, conséquemment à son inconscience, il n'est pas intelligent, c'est pour ça qu'il souffre. La seule raison pour laquelle l'homme souffre, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. S'il est intelligent, il ne souffrirait pas. Donc, la souffrance est tellement mondiale, puis l'homme fait partie de cette souffrance mondiale, que c'est devenu une façon de penser qu'on est fait pour un petit pain, puis c'est comme ça que ça marche. Mais ça, c'est une illusion très grave, puis c'est une illusion qui est maintenue souvent par les religions pour qu'elles aient elles-mêmes du pouvoir. C'est une situation qui est maintenue par les gouvernements dans certains pays parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Donc, l'homme, c'est un être de lumière, point final. C'est un être qui a beaucoup de potentiel. C'est un être qui a la capacité de totalement transformer sa vie, pas à travers des philosophies, puis les métaphysiques, puis les religions, puis les spiritualités, parce que tout ça, ça fait partie des courants astraux d'évolution. Mais à travers ses propres forces de rébellion intérieure, dans la mesure où il sait qu'il est manipulé. Un homme qui ne réalise pas sur la terre qu'il est manipulé dans ses pensées est totalement incapable d'en arriver à l'individualisation de son être parce que les systèmes de pensée qui existent se refusent de concevoir cette réalité, et ça, ça fait partie de la conscience de l'homme nouveau. Puis, moi, j'ai vécu mon expérience depuis 69 en relation avec les forces occultes, puis c'est définitivement correct et applicable, la science de cette conscience-là, que l'homme est un être manipulé. C'est pour ça que l'homme n'est pas intelligent. C'est pas qu'il n'est pas intelligent, c'est qu'il n'a pas accès à son intelligence, à son feu, à son énergie, toute son énergie. Il est toujours diminué, puis il est toujours affecté à travers ses émotions. Puis, comme j'ai déjà dit, le plan astral s'en sert, les morts sont anti-hommes. Puis ce que l'homme a créé sur la Terre, ça fait partie de l'activité des morts à travers son inconscient. Bon, si on a à se rebeller contre des forces intérieures en nous, est-ce que, je ne dirais pas que c'est facile, là, mais est-ce que c'est possible de contenir cette rébellion-là pour pas qu'elle déborde vers l'extérieur? Ça fait partie de notre évolution. Avec le temps, on est capable. Avec le temps, on devient très, très, très maître de soi, oui. Mais dans, Vous avez souvent parlé dans d'autres conférences de la haine, que c'est important la haine. C'est que dans la perception qu'on a de la haine, on perçoit quelque chose qui détruit. C'est assez difficile d'imaginer se détruire ou vivre une haine par rapport à l'intérieur. Ouais. La définition de la haine que vous avez, c'est une définition religieuse ou spirituelle ou judéo-chrétienne. Quand vous parlez de haine, vous autres, vous parlez de haine en tant qu'élément moral d'une inconscience incapable d'aimer. Tandis que moi, quand je parle de haine, je parle d'une confrontation entre l'homme avec son intelligence, avec les forces qui constituent la base occulte de son psyché. C'est ça la haine. Tu peux pas aimer, ça encore c'est la grande divagation des religions, puis un jour l'homme le comprendra, puis il sortira de l'évolution. Tu ne peux pas aimer les forces spirituelles de la Terre. C'est une illusion fondamentalement cosmique. C'est une illusion très grave, qui est très dangereuse, qui est maintenue par l'astral, qui est maintenue par l'humanité inconsciente. Ça fait partie de l'ignorance totale de l'homme des lois occultes du mensonge cosmique. C'est évident que vous ne pouvez pas aller aux sources du pouvoir et leur demander des renseignements. À moins de relâcher. Alors, si l'homme veut des renseignements, si l'homme veut savoir, si l'homme veut aller à sa source, il faudra qu'il arrache l'information. Puis le meilleur outil, c'est à travers la haine. Parce que quand l'homme haït l'occulte, je ne parle pas haïr le monde. Non, non. Quand l'homme haït la manipulation dans sa conscience, haït les pensées qu'il travaille, puis qu'il manipule, puis qu'il mine, puis qu'il décourage, puis qu'il savonne, puis qu'il savonne son cerveau. Quand l'homme haït cette source-là, éventuellement, il la détruit. Et une fois qu'il l'a détruit, mais là, c'est le temps. Là, il peut commencer à aimer. L'homme ne peut pas se permettre d'aimer l'invisible tant qu'il n'a pas haï totalement l'invisible. Moi, j'ai un contact télépathique avec le plan mental depuis des années, puis pour moi, c'est des chiens. Je les ai traités de chiens. Je les ai cassés en 84. Je les ai brimés à un tel point maintenant que quand je communique à travers des médiums avec des entités en forme astrale, j'ai pris à ma volonté. Parce qu'ils ne peuvent pas m'en passer des petites vites parce que je vois clair. Mais ça, c'est parce que j'ai haï tellement l'invisible spirituel. Puis il faut haïr l'invisible spirituel pour rentrer dans le mental intégral. Parce que l'invisible spirituel se sert toujours de nos aspects les plus profondément humains pour nous garder prisonniers de la lumière astrale. Alors que l'homme, puisqu'il est un être libre, éventuellement, pour que l'homme soit libre, il faut qu'il soit libre de l'astral. Et à ce moment-là, mais là, il peut être en communication télépathique avec le plan mental, puis à ce moment-là, accéder à la source mentale de sa connaissance, de sa science. Ce que j'appelle le double, ou appelez ça comme vous voulez, Joe Blow. Puis connecter avec une source personnelle, puis là, être réellement dans son identité. Puis à ce moment-là, il n'y a plus personne, sur le plan matériel ou dans l'invisible, pour le faire chier. Vous, Bernard, quand vous haïssez, vous n'avez pas des pensées de haine. Vous avez une vibration de haine. Non, j'ai pas de pensée de haine parce que je pense pas, mais je communique. Fait que ma pensée, elle était simplement à cause de la fusion transmutée en communication directe, mais c'est la même chose. Est-ce qu'on peut haïr avec des pensées de haine? Bonne question. Faut haïr d'abord. Puis haïr, c'est parler intérieurement. Puis quand tu parles intérieurement, puis tu haïs intérieurement ce qui te manipule, ça ajuste ta pensée, puis ça ajuste ta pensée, puis ça ajuste ta pensée, puis ça la raffine ta pensée. Mais si les pensées qu'on a, c'est des pensées qui sont des manipulations, on peut être manipulé pour haïr? Tu peux pas être manipulé pour haïr, parce que quand tu haïs l'invisible, je parle. Ouais. Quand tu haïs l'invisible, tu déplaces beaucoup d'air. Dans le sens que ta haine est dirigée vers la source des pensées. Tu n'as pas besoin de les connaître, tu n'as pas besoin de connaître leur nom, tu n'as pas besoin de connaître sur quel plan ils sont, dans quel monde ils sont. Mais le fait de créer une vibration qui repousse leur attaque, ça te met en puissance vibratoire. Puis c'est ça qui t'amène graduellement à vibrer à un plus haut niveau, puis éventuellement à avoir une très très grande maîtrise de tes pensées, pour en arriver éventuellement, possiblement, à passer de la pensée au contact télépathique. Mais c'est pas important le contact télépathique avec le plan mental. Ce qui est important, c'est que l'homme soit capable de reconnaître qu'il est manipulé et de haïr la source. Puis, techniquement, dans la mesure où il est capable psychologiquement d'admettre pour lui-même que le monde invisible, c'est un monde réel, qui n'a pas de corps matériel, mais qui est réel, qui est en forme astrale, à ce moment-là, il n'y a pas de problème à traiter, à dealer, à parler avec ces plans-là, ou ces entités-là, ou ces guides spirituels-là, ou toutes ces cochonneries-là, parce que pour moi, tout ce qui est dans le monde de la mort, c'est antihomme, donc tout ce qui est dans le monde de la mort, c'est de la cochonnerie. Comme même vous me diriez, bon, moi, j'ai un grand guide spirituel, c'est un hindou, ou c'est un indien, pour moi, c'est tous des manipulateurs, puis c'est tous des faiseurs de religion, puis c'est tous des créateurs de religion, puis c'est tous des créateurs de sectes, puis c'est tous des créateurs d'impuissance, puis c'est tous des manipulateurs de pensée, puis c'est tous des êtres qui veulent garder le pouvoir à l'insu de l'homme. Ça, c'est l'histoire de l'évolution. Quand vous haïssez, est-ce que vous avez besoin de vos énergies vitales, ou une personne malade ou qui a une vitalité relativement forte, est-ce qu'une personne qui a une faiblesse vitale peut haïr aussi? Est-ce que ça va chercher les énergies vitales, physiques? Ou c'est la haine dont vous parlez, c'est un autre type de haine? Une personne qui serait malade et qui irait comme moi, elle se guérirait dessus. Garantie. Donc, à ce moment-là, la haine dont vous parlez, elle ne fait pas référence à des ressources vitales. La haine dont je parle fait référence à une colère organique basée sur un psychisme totalement concentré contre l'invisible. C'est mental. Pour vous autres, l'invisible, c'est de la petite fumée. Pour moi, l'invisible, c'est réel, puis il y a du monde là, puis c'est tout des taponneurs. Des taponneurs? Il faut-tu une expérience particulière dans la vie d'un être humain pour être capable d'amener ses énergies au mental? Quand vous avez des crises, quand vous avez des situations formidables dans la vie pour prendre conscience, c'est quand vous avez le faux cul. Quand vous avez le faux cul, là, vous avez la chance de devenir intelligent. Mais c'est pas ça qui arrive, vous vous écrasez. C'est dû à quoi ça? C'est quoi la mécanique de l'écrasement là? Manque d'air dans les airs, l'avion? Parce que vous n'avez pas conscience du degré de manipulation de votre être. Vous n'avez pas conscience que votre plan mental, c'est un terrain. C'est un terrain psychique qui est habité par ces entités-là. Vous n'avez pas conscience qu'on taponne dans votre terrain. Vous n'avez pas conscience que votre psyché, c'est une territorialité qui est envahie, qui est manipulée. Vous êtes testé tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. Une personne qui deviendrait consciente de ces manipulations-là, est-ce qu'elle aurait nécessairement l'énergie pour vivre sa colère, ou pour écraser encore en disant, bon ben, je me fais manipuler? La conscience de ceci vient avec le temps. Il faut commencer au bas de l'échelle. Puis le bas de l'échelle, c'est réaliser qu'on est manipulé. C'est quoi la meilleure façon de réaliser qu'on est manipulé? Je vous le dis. Bon, OK. Une fois qu'on s'est dit, on repart à soi, là, on le sait, on est manipulé. On arrive là chez nous, ça manipule. Non, mais faites comme si vous parliez avec quelqu'un. T'es à la maison, puis t'as dépensé toute croche. Je vous dis que ça vient de quelqu'un, ça vient d'une entité en forme astrale. Mais c'est à vous autres d'y parler. Parlez-y. Elle va vous répondre. Ah, puis il y a du monde qui peut aimer ça. Ah, là, c'est dangereux. Si vous aimez ça, vous allez vous faire prendre. Il ne s'agit pas d'établir un dialogue avec eux autres pour faire avoir de la grosse conversation. Il s'agit de les identifier. Il s'agit d'identifier ces entités-là. Identifier ces sources de pensée-là. Si tu t'en vas... Si t'es à la job, puis t'es une secrétaire, puis il y a une nouvelle secrétaire qui rentre, puis une pensée qui te passe dans ta tête, puis ça te dit, je vais perdre ma job. C'est eux autres. C'est pas des caves, ils vont pas dire, tu vas perdre ta job, parce que là, tu sais là qu'ils sont là. Ils vont dire, je vais perdre ma job. Mm-hmm. Je vous l'ai dit. Le jeu, c'est la plus sublime des illusions psychologiques développé par l'évolution contre l'homme. Si l'homme est inconscient, il vivra jamais de jeu dans sa tête. C'est abominable. Ça n'a pas d'allure, jeu. Mm-hmm. Fait que le « je », c'est un, le « je » qu'on vit psychologique. Là, le « je » psychologique qui fait partie de nos langues, puis qui fait partie de notre psychologie, puis qui fait partie de notre référent existentiel égoïque, c'est tout de la fraude. Mm-hmm. C'est comme si moi, je te parlais, puis j'utiliserais le mot « je », puis tu penserais que c'est toi qui te parles. Mm-hmm. Au lieu de, si je te disais « tu », là, tu saurais que c'est quelqu'un qui te parle. Mm-hmm. Non, j'utiliserais le « je », supposons que je te parlerais dans ta tête. Ah ouais. Tu penserais que c'est toi qui te parles. C'est de la fraude, c'est de la grosse fraude. C'est le côté abstrait du... C'est le côté occulte, occulte de la conscience abstraite de l'homme. Un jour, il va falloir que les psychologues se réveillent. Le « je », c'est de la fraude. Puis c'est pour ça que l'homme n'a pas de communication avec les clairs. C'est pour ça que l'homme n'est pas capable de savoir que c'est pas lui qui pense ces pensées-là. Mm. Une fois que l'homme communique avec sa source, puis que c'est clair, puis c'est net, puis qu'il est dans sa... Il est en communication avec le plan mental. Bon, là, c'est de la communication. Il parle. Bonjour, comment ça va? Tu vas voir comment ça va aller la semaine prochaine. Ils vont jamais utiliser le « je ». C'est les entités astrales qui utilisent le « je ». La source de l'homme, la source cosmique de l'homme n'utilise jamais le « je » dans une communication. Il utilise le « tu ». Le « je », c'est la source de l'ignorance et de la souffrance humaine. C'est la source de la décadence de la civilisation. C'est la source du genre de civilisation qu'on a. C'est la source de l'ego inconscient. C'est la source de notre impuissance. C'est la source de notre... décadence. Notre évolution. Mais ça se pense pas, ça. T'sais, tu peux pas arriver un jour et penser ça. Faut que ça te soit dit. Puis quand ça t'est dit, quand tu le réalises, comme moi je l'ai réalisé en 69 d'une fusion, mais là ça te met toute ta batterie en terre, c'est évident. Pourquoi? Parce que ça t'enlève tous tes outils, ça te donne des chocs abominables. Puis, mais en général, ils vont le faire avec quelqu'un qui est capable de supporter le choc, puis ils vont le garder en équilibre pendant un certain nombre d'années jusqu'à temps qu'il s'équilibre. Une fois que ça c'est bien équilibré chez l'initié, là, il est libre de parler et d'expliquer ces choses-là. Fait que c'est ça que je fais. L'homme n'a pas besoin de vivre un choc comme ça abominable tout d'un coup. Mais l'homme doit éventuellement en arriver petit à petit à réaliser qu'il est totalement manipulé dans son mental. C'est abominable de vivre le jeu. C'est le plus grand... Le « je », c'est le plus grand mensonge linguistique qui existe sur la Terre. C'est la plus grande déformation occulte du « moi ». C'est la plus grande aberration que l'homme a jamais vécue sur la Terre pendant l'évolution jusqu'à la fin du 20e siècle. Le « je », c'est la porte qui empêche l'homme de rentrer dans sa lumière, puis d'être intelligent, puis de devenir libre au lieu de vivre l'illusion du libre-arbitre. Dans les milliers d'années à venir, là, ça va être... Substitué par quoi le jeu? Tu. Tout le monde va se parler tu? L'homme va communiquer intérieurement par rapport à un tu. Fait que les gens vont dire entre eux autres, ils me disent que. Ils me disent que. Ils me disent que. Ils me disent que. Ça va devenir la formule psychologique essentiellement occulte de l'homme nouveau. Ils me disent que. Dans le quotidien. Hein? Dans le quotidien, les gens vont dire, supposons que je recevais de l'information sur toi. Comme là, ils me disent que tu perds du poids de cet instant. Ils me disent que. Ils me disent que. tu t'en vas au restaurant, ils me disent que tu veux manger un hamburger. C'est... Mais avec le temps, tu t'habitues à ça. Ouais. Fait que t'as pas besoin toujours de dire ils me disent que. Fait que tu peux dire, bon, ben, tu perds du poids de cet incident. Ouais. Fait que là, tu vas dire, comment se fait que tu sais ça? Mais je vais dire, ils me disent que. C'est un petit peu de même, ça marche. Ouais. Fait que là, on a ces formules. Je peux pas passer. Je ne peux pas passer mon temps dans la vie à dire au monde, ils me disent que. Ils vont dire, mais Mais le plus gros choc de briser l'impression du jeu, ben non, c'est infondé sur quoi exactement? Qu'est-ce que l'ego perd vraiment à ne pas penser en jeu? Qu'est-ce qu'on perd vraiment là-dedans? À ne pas penser en jeu? Ouais, qu'est-ce qu'on perd vraiment? De tout. Ben tout, mettez des points sur le tout en question. Vous perdez. L'idée, vous perdez toute l'illusion de l'ego qui pense, qui pense. Quel contrôle sur la situation? Ouais. Qu'est-ce qui fait, c'est important? Ben, c'est à la base du livre de la philosophique universelle de l'homme. Ouais, ouais. Si tu vas par là-dedans, tu dis, c'est qui toi? Ils vont dire, c'est moi. Tu dis, c'est quoi? C'est qui moi? Ils vont dire, c'est toi. Quand tu te déclates. Ouais. Dans le temps, tu t'habitues. Au début, c'est, ça fatigue un petit peu. c'est énervant un petit peu, parce qu'on est habitué, nous autres, les hommes, à penser qu'on est important psychologiquement par rapport à nous-mêmes, pour nous-mêmes, en fonction de nous-mêmes. Puis là, c'est pour ça que c'est important psychiquement par rapport à eux autres, c'est-à-dire les entités de lumière, ceux de la mentale, qui sont ta source. Mm-hmm. Ton ajusteur de pensée, appelle ça comme tu veux. Puis c'est ta contrepartie cosmique universelle. Puis l'autre problème qu'on a, c'est qu'on vit dans le corps matériel, fait qu'on est bien, bien défausé au niveau psychique. Si on était sur le plan éthérique, on n'en a pas de problème. Mais comme on est sur le plan physique, on est dans une enveloppe matérielle, l'enveloppe matérielle conditionne notre espace mental. Fait que notre corps matériel nous donne l'impression qu'on est ici, alors qu'en réalité, on est ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. C'est pour ça que les morts, les gens qui meurent, ou les gens qui ont des crises cliniques, là, pis, qui sortent de leur corps, sont toujours bien. Quand ils sortent de leur corps, ils disent, le gars avait le cancer, là, il est bien, il est content. Puis même, il est content de mourir, quand il est content d'aller sur un autre plan. Pourquoi? Parce que là, il se dissocie de tout l'embarras de son corps matériel. C'est un gros embarras, cette affaire-là. Fait que ça en prend de l'énergie, cette affaire-là. Fait que quand le contact se fait avec le plan mental, puis t'es dans le corps matériel, c'est que t'es pris entre comme on dit en anglais, the wall and the hard rock, t'es pris entre toi physiquement, puis entre toi comme part ici. Là. Puis ça prend quelques temps pour t'habituer, mais quand t'es habitué, t'es très bien le même, puis tu voudrais pas être vraiment. Mm-hmm. Puis là, tu donnes des conférences comme moi. Mais quand vous regardez dans le miroir, vous dites pas salut-toi. Vous avez une perception, ils vont sur le plan matériel. Si je vais regarder dans le miroir, tu dis pas salut-toi. Ouais, ben c'est parce que moi, il n'est pas là, il est là. Ok, mais je suis obligé d'aller par en dedans. Ok. Puis je dirais, en allant par en dedans, je dirais, je suis pas mal cute, aujourd'hui j'ai une belle barbe. Il dirait, ouais, c'est une belle barbe. Ça vous donne pas un feeling de robot? Non. Vous autres, vous êtes des robots, pas moi. C'est moi qui est le robot. Comment vous dites ça? C'est moi qui est le robot. Qui est le robot? Non. Vous m'avez dit que vous autres. C'est moi qui est le robot. Non, mais c'est parce que quand on a l'impression d'être piloté, l'impression. Quand l'individu, ouais, mais c'est vous réalisez, l'impression. Vous avez l'impression d'être piloté, puis dans le fond, vous ne réalisez pas, vous êtes piloté toute votre vie. OK. Bon, maintenant, vous dites, on est manipulé dans la pensée. Pour identifier la pensée, il faut être capable d'éliminer la perception du jeu. La forme matérielle, le corps physique qu'on a, l'impression que les autres nous projettent de notre habileté, de nos talents, de nos capacités, de la quête, les valeurs d'échange social qu'on a, c'est tous des éléments qui entretiennent le jeu. Par où qu'un individu doit commencer pour briser l'impression du jeu? Parce que ça, c'est des forces sociales énormes, ça, c'est ce côté-là, en partant du principe. Commencez par vos crises. Vous avez des crises? Ouais, ça, c'est... D'ailleurs, c'est à travers les crises que l'homme va évoluer, c'est pas à travers l'étude philosophique d'une instruction. C'est à travers les crises. Il n'y a rien comme une crise pour te faire voir clair. Pas de crise, tu n'as rien. OK, dans une crise, ça pose. Qu'est-ce qui fait que dans une crise, les pensées sont plus faciles à identifier comme étant des manipulations? Parce que dans une crise, votre corps émotionnel est mis en vibration, puis il est étroitement relié au plan psychique de votre être, donc automatiquement. Les égrégores sont facilement canalisables. Vous savez, quand vous avez une crise que vous ne pensez pas droit, quand vous avez une crise, il y a toutes sortes de patentes qui se passent dans votre tête. Il n'y a personne dans la salle qui n'a pas vécu une crise dans la vie. Vous savez, quand vous avez une crise, vous ne fonctionnez pas comme d'habitude. Vous n'êtes plus en vacances quand vous avez une crise. Puis c'est là, quand vous avez une crise, que la manipulation se fait, puis c'est là qu'il faut vous réveiller. C'est pas quand tu es en amour avec ta blonde que tu vas devenir conscient, c'est quand elle va te crisser là. Mm-hmm. Tu vas penser que tu vas te suicider. Mm-hmm. Et là, quand tu es en amour avec ta blonde, tu continues ton affaire. Mais quand tu fais que là, ta blonde, puis tu as un gros choc à ton égo de mort, de 6 pieds, là, 200 livres, là. La petite fille de 117 livres à te sacrer là, là. C'est là que les pensées rentrent. L'astral fait quoi là, dans ces moments-là? L'astral se manipule, c'est leur job, ils sont parfaitement faits pour ça. Fait est-ce que vous dites qu'à ce moment-là que l'astral nous manipule juste en situation de crise? C'est dans la situation de crise que l'astral est le plus fort. Le plus fort? Oui. Quand on est fatigué physiquement, toutes ces choses-là. OK. Disons que là, une personne vit une crise, et elle sait, là, parce qu'on l'a parlé en soi, qu'elle est manipulée. Les pensées viennent, mais absolument quand ça vient dans une situation de crise, t'es pas en force. T'es physiquement ou psychiquement pas en force. qu'est-ce qu'il faut regarder dans une crise pour reprendre un petit peu de force pour casser ça? Savoir qu'ils vont toujours mettre la crise pis caler. Ah, ça, c'est si bon. Si t'as pas eu ton loyer, ils vont te laisser sous-entendre que le propriétaire va te mettre à la porte. Si t'as pas de job, ils vont te laisser sous-entendre que t'en trouveras pas. Okay. Si ta mère est malade, ils vont te laisser sous-entendre qu'elle va mourir. Toujours, ils vont toujours te remplir de ça. Ils amplifient. Tout le temps. Puis c'est des professionnels de la job. Ça fait partie des lois du monde astral. Okay. Tu comprends pas ça, que le monde comprenne pas ça? Ouais. Puis ce facteur d'amplification-là, est-ce que c'est ça qui mène les gens au suicide? L'homme ne se suicide pas. L'ego ne se suicide pas. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. L'ego est toujours amené au suicide par séduction. Séduction? Moi. Ouais. Séduit par la mort? Ouais, vous devriez faire une conférence à séduction. Mettez ça, là. Je m'en prie. On parlera de la séduction. Les différents niveaux de séduction. La séduction, c'est la forme la moins évidente du pouvoir de l'astral sur l'homme. La séduction, c'est la corrosion psychique de l'ego. La séduction, c'est l'invitation des astres. La séduction, c'est l'abrogation de nos droits humains d'être conscient, lumière, sur le matériel. La séduction, c'est l'envoûtement de l'homme. La séduction, c'est la destruction de ses prérogatives. La séduction, c'est l'envoûtement psychique de son ego pour le bénéfice des entités astrales à tous les niveaux, matériels ou spirituels. La séduction, c'est le côté velouté du mensonge cosmique. La séduction, c'est l'élixir de l'inconscience. Hey, je suis pas mal bon à ce moment-là. Je pourrais continuer pendant des semaines à vous donner des définitions de la séduction. Puis ça agit à tous les niveaux. Vous êtes connecté constamment dans la vie et la séduction. Vous êtes séduit par la finance, vous êtes séduit par la sexualité, vous êtes séduit par le pouvoir, vous êtes séduit par les idées, vous êtes séduit par l'orgueil. La vie humaine sur la Terre, à tous les niveaux, dans toutes les races, pour toutes les civilisations, pour tous les temps évolutifs, est fondée sur les lois de la séduction. J'écrirai un livre à gauche, j'ai le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, les pensées, c'est des pensées qu'on accepte en jeu parce qu'on est séduit? Parce qu'on est séduit. Si on n'était pas séduit, on les prendrait pas. Mm-hmm. C'est parce que le jeu fait notre affaire qu'on prend le jeu. Non, pas nécessairement qu'il fait notre affaire. Il est ce dont on est construit psychologiquement et psychiquement. Mm-hmm. Le jeu, c'est la substance même de notre conscience. C'est l'affirmation même de notre moi. C'est la prérogative de l'ego face à la multiplicité de son décisionnel. Le jeu, c'est la factorisation à l'infini de notre projection, ni consciente, ni inconsciente, de notre éternité. Le jeu, c'est... C'est le voile ultime de l'homme. L'évolution, c'est je. L'évolution, c'est tu. Mm-hmm. Vous parlez de séduction, puis moi je vous connais comme un homme qui adore le beau, qui est un grand esthète. Puis, comment vous pouvez être à ce moment-là mental et ne pas être séduit par la beauté? J'aime le beau, c'est normal, parce que l'esprit aime le beau. Ton esprit aime le beau. L'esprit de n'importe qui aime le beau. D'ailleurs, c'est le beau qui a créé la civilisation, ce qui est une preuve que l'homme a un peu d'esprit. Les grands architectes, les grands couturiers, les grands chefs de cuisine, les grands ingénieurs, tout ce que l'homme a fait qui représente la civilisation s'est fondé sur la loi de l'esthétique, qui est une loi cosmique qui fait partie des lois de l'esprit à travers l'homme, et ainsi de suite. Donc, le beau, ça fait partie de l'esprit. Donc, un homme qui est moins vraiment en vibration au niveau de son esprit, il aime le beau. C'est normal, il aime le beau. Mais comment vous pouvez aimer le beau et pas être séduit par le beau? Séduit par le beau. Aimer le beau, c'est apprécier le beau. Être séduit par le beau, ça serait peut-être dangereux. Un homme qui serait trop séduit par le beau. Moi, si j'étais avec ma sensibilité, si j'étais trop séduit par le beau, j'en souffrirais probablement. C'est l'effet d'englobement de la beauté qui fait l'effet de séduction? Oui. Ou l'impression d'en manquer? C'est l'englobement. L'impression d'en manquer, vraiment. Ok. Je ne serais pas capable de me retenir. Il faudrait que j'achète ci, puis j'achète ça, puis j'achète ci, puis j'achète ça. C'est pas beau. Okay. Le beau, c'est le degré formé d'une énergie qu'on appelle la forme, à travers lequel l'esprit se repose. Quand tu vas voir un bel opéra, ben, pis si t'es bien, bien vidré au niveau de ton esprit, mais tu peux apprécier le mot. Puis plus t'es vidré, mais plus t'apprécies le mot. Tu vois des failles dans des femmes. C'est ça, apprécier le mot. Mais si t'es très séduit par la bourde, à ce moment-là, ben, tu pourras peut-être devenir un excentrique. Si j'étais trop séduit par la boue, avec ma sensibilité, ben, je serais peut-être un excentrique. Il y aurait un débalancement à quatre parts. Au lieu d'avoir une bague, je n'aurais 15, des caravates en soie qui n'arriveraient plus, puis des bottines, puis des bas de nylon. Je ne sais pas, moi, tu sais. Un débalancement. Ouais. Donc, j'aurais l'air probablement de Pavarotti à la Dalue. Ça serait beau. La question qui me vient à ce moment-là, c'est que si la beauté est une expression formée de l'intelligence, l'astral, comment, par le processus de la séduction, comment il arrive à déchaîner un climat de pensée qui crée un effet de dégénération là-dessus? Parce que l'astral utilise les pensées pour convoquer l'homme à son impuissance. Pour convoquer l'homme à la crainte, pour convoquer l'homme à la terreur, pour convoquer l'homme au doute, pour distancer l'homme de son identité, donc pour distancer l'homme techniquement de sa fusion, pour distancer l'homme de son contact avec sa source, On peut-tu parler de belles pensées? Non, ça n'existe pas une belle pensée. Une belle vibration? Une belle vibration, oui. Belle pensée, non, parce qu'une pensée, c'est anti-homme. Une pensée, ça fait partie de l'évolution. Penser, c'est pas intéressant de penser, mais si je suis plus capable, mais si je pensais, probablement que je supplierais énormément parce que le taux vibratoire du corps mental serait trop baissé. Tant qu'une belle pensée, non. Pour l'homme évolutif, oui, des belles pensées poétiques, des belles pensées dans de la musique. Mais quand tu regardes ça avec une conscience mentale, des belles pensées dans la musique ou des belles pensées dans la poésie ou des belles pensées, il y a beaucoup de spiritualité là-dedans. J'écoute de la musique au radio des fois, des chanteurs, des chanteuses qui chantent, là, puis je voudrais pas vivre ça. Si tu m'aimes, jette-toi en bas de la montagne, tu sais, je t'aime jusque dans le profond des mers. Ça, c'est bon pour rencontrer quelqu'un, prendre une coupe de martini, puis aller te coucher après. Mais tu vas pas poser une vie sur ça, tu sais. Fait que c'est abominable, ça, tu sais. Des belles pensées. Puis la poésie, ça, c'est la même chose. Ouais. C'est des belles pensées des religions, d'un psaume, puis, tu sais, Dieu qui est là, puis tu sais, un petit homme, c'est des belles pensées. Fait que pour moi, ça n'a pas grand-chose de valeur, des belles pensées. Okay. Alors, je vois pas de belle, je vois pas de beauté dans la pensée. Je vois de la fonction dans la pensée. Je vois la mécanique naturelle de la conscience expérimentale dans la pensée. Mais un jour, il va falloir que l'homme communique avec le plan mental. À ce moment-là, bien, au lieu de vivre de la pensée, qu'il y réfléchit, il va vivre de la communication avec les circuits universels. Puis c'est là qu'il faut qu'il y a. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on pourra parler de beauté dans la vibration? À ce moment-là, on pourra parler de beauté dans la vibration parce que la vibration est sans forme. Donc la vibration, elle est belle simplement par sa qualité immanente, d'abord à cause de sa source, à cause du pouvoir de faire vibrer, de mettre en résonance tous tes corps subtils, ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps éthérique, puis ton corps matériel. Puis c'est très fort ça, quand tu vis la beauté d'une vibration, comme des fois je vais être en conférence où je vais parler à des gens, puis il y a des choses que je peux pas dire là, parce que les mots peuvent pas décrire ce que je veux dire. Fait qu'à ce moment-là, souvent je vais pleurer, par exemple. Fait que cette grosse vibration-là, qui fait partie de l'amour, qui fait partie du contact entre la source puis l'homme qui est canalisé à travers son système matériel, mais ça place une vibration très forte. Puis moi je le dis, cette vibration là, puis c'est il y a beaucoup de beauté dans cette vibration, mais c'est pas une forme, c'est simplement un taux vibratoire, c'est une énergie qui est en vibration puis qui met tes corps subtils en résonance. Mais tu peux pas en vivre tout de ça, parce que sans ça tu pourras pas travailler, tu pourras pas fonctionner. Mais de temps en temps, c'est utilisé démontrer à l'homme la transparence de l'ego. Je suis quand même un homme de 50 quelques années, tu sais, je suis pas un petit enfant d'école. Fait que quand je pleure en public ou que je pleure à la télévision pour passer une vibration, mais ça montre la transcendance de l'ego, ça montre le contact entre l'homme et le plan mental. Puis ça montre le processus créatif de cette vibration-là qui est très belle, qui fait partie de l'intelligence de l'esprit, qui fait partie de la volonté, qui fait partie de l'amour que cette lumière-là a et dont elle est faite et qui représente les principes universels de l'homme. est-ce que la source ou le double peut nous séduire? Alors, est-ce que la source ou le double, oui, oui, est-ce que ça peut nous séduire? Oui, oui. Mais ça fait partie de notre spiritualité. Avec le temps, on le dépasse. L'homme est séduit par la source parce que, surtout s'il y a un contact avec elle, parce que la source, c'est très intelligent. Fait qu'à ce moment-là, quand on vit un contact étroit télépathique avec ça, ben à ce moment-là, c'est évident qu'on est séduit, puis on est mis en vibration spirituelle. Mais c'est pas long quoi, après un certain nombre d'années, qu'il ne manque ça du système. En d'autres termes, si la source nous aspire à prendre contact avec elle, elle va aussi nous placer en situation de choc pour égaliser notre relation avec elle, pour que, au lieu d'avoir une relation verticale avec elle, comme on a eu pendant l'évolution, on ait une relation comme ça. Donc c'est voulu qu'on les haïsse. Ah ben c'est nécessaire. D'ailleurs, je vais vous dire, ça fait partie du principe occulte de l'initiation solaire, puis les hommes de la race racine qui en arriveront en contact télépathique avec le plan universel, avec le plan mental, seront obligés d'utiliser l'énergie de la haine pour totalement convertir leur énergie spirituelle. Sans ça, il n'y a aucun moyen. Comment voulez-vous détruire la spiritualité si vous n'utilisez pas la haine? Vous ne pouvez pas le faire avec l'amour, vous n'êtes pas là. Mm-hmm. Voyons. À ce moment-là, si la source peut nous mettre dans des situations problématiques, puis l'astral peut également nous mettre dans des situations problématiques. L'astral utilise des situations problématiques. La source nous met dedans. La source connaît l'homme complètement. C'est toujours le double. Le double, c'est toujours le double ou l'ajusteur de pensée qui est à la source de tout notre processus décisionnel. Anyway, qu'on en soit conscient ou inconscient. Donc, si on est en difficulté, c'est la source. Qu'est-ce que c'est la différence entre un animal et un homme? C'est que l'homme parle? Non, c'est ça. Bon, qu'est-ce que c'est la différence entre un homme conscient et un homme inconscient? C'est qui c'est qui pense pas. Mm-hmm. À ce moment-là. L'animal pense pas, l'homme pense qu'il pense, l'homme conscient sait que c'est pas lui qui parle pas. OK. Mais ça pense pareil. Non, ça devient éventuellement de la communication télépathique. Ça va disparaître, ce mot-là. De la conscience de l'homme conscient, le thème pensé va disparaître. Mais en attendant, ça fait partie de sa conscience. Mais c'est bon de savoir que l'animal ne pense pas, c'est ça qui fait devenir un animal, il n'y a pas de contact avec un double, un ajusteur de pensée. L'homme, il a contact avec un double, c'est un ajusteur de pensée, il est très, très inconscient, donc il pense ce qu'il pense. Puis l'homme conscient, il a contact avec un double, son ajusteur de pensée, qui est sa contrepartie universelle, mais il sait. Il connaît l'illusion de la pensée. Donc, à ce moment-là, au lieu de penser qu'il pense, il communique avec. Bon. Dans l'homme conscient, il a conscience d'un autre plan. Est-ce qu'il peut tirer avantage de sa conscience sur l'autre plan? Avantage sur son plan matériel? Éventuellement, oui. Pas de suite. Il faut qu'il soit déspiritualisé. Faut qu'il soit déastralisé. Sinon, l'homme deviendrait manipulateur. L'homme deviendrait simplement un outil des forces astrales. Il chercherait le pouvoir. Il voudrait manipuler l'homme. Il ne pourrait pas respecter l'homme. Il voudrait le pouvoir occulte sur l'homme. Il voudrait faire de la magie. Il voudrait faire de la communication télépathique. Il voudrait se promener en voyage astral. L'homme a été tellement terrorisé pendant l'évolution qu'il a été tellement coupé de ses ressources naturelles qu'aussitôt qu'il commence à en avoir un petit peu, il vient tout dans la main. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'où, la puissance ou le pouvoir de cette source-là sur nous autres? Ça peut aller jusqu'où? Quelle source? La source? Le double. Là, disons, quand il est en parfaite harmonie avec l'ego, là, sur le plan matériel. Quand la source est en harmonie avec l'ego, puis que l'ego est en harmonie avec la source, à ce moment-là, l'homme commence une évolution qui n'a plus de fin. Une fois qu'il a fini sur le plan matériel, il continue sur le plan intellect. C'est l'immortalité de la conscience, c'est la continuité de la conscience. Mais là, vous nous dites que ces ressources, il va aller les vivre sur un autre plan. Ce n'est pas le plan matériel. Ouais, il peut vivre sur le plan matériel. Il va vivre sur le plan matériel seulement quand il va être suffisamment conscientisé, suffisamment intelligent, suffisamment ajusté dans ses corps, suffisamment transparent. L'alien ne donnera jamais de pouvoir à l'homme s'il n'est pas conscient. Mais la question que je suis porté à poser, c'est est-ce qu'une personne qui dispose, en guillemets, de la puissance de cette source-là, qui est sur un autre plan, est intéressée à vivre une vie matérielle avec ses pouvoirs-là? Il va vivre sur le plan matériel tant qu'il arrive sur le plan matériel, ça dépend de ce qu'il en fait. Jusqu'à temps que ce soit fini, une fois qu'il a fini, il échange le plan. Mais qu'on vient de poser la question, qu'est-ce qu'il a à faire avec ces forces-là, sur le plan matériel? Ça dépend de son travail, ça dépend de sa programmation. Bon, pose la question différemment. Est-ce que c'est important le plan matériel pour ces forces-là? Aucunement. C'est aucunement pas important. Non. Ça, c'est une citation. Donc, on vit un plan matériel juste en attendant de passer un autre plan. On vit un plan matériel en attendant de passer un autre plan. Ouais. Bon. Est-ce qu'on pourrait dire, par conséquent, on n'a pas besoin de pouvoir sur le plan matériel? C'est très bien dit. C'est, par contre, il peut y avoir des pouvoirs qui ne sont pas évidents. Il peut y avoir des pouvoirs qui sont utiles. Il peut y avoir... la parole, c'est un pouvoir. Seulement, ce n'est pas des pouvoirs qui sont... ce n'est pas des pouvoirs qui mesmérisent. Ce n'est pas des pouvoirs qui sont donnés à l'ego au pacte. C'est pas des pouvoirs qui dominent, c'est plutôt des facultés de grande conscience qui acheminent une vibration sur le plan matériel pour aider l'homme à voir des choses qui ne se pensent pas. Mais est-ce que ça se limiterait à ce pouvoir-là? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je peux pas vous le dire, là, parce que je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est possible. Mm-hmm. Ouais. Non. Donc, d'ailleurs, je vois pas d'utilité. Je vois pas d'utilité sur la Terre. Je vois pas d'utilité sur la Terre dans l'âge actuel, dans le cadre actuel de notre civilisation, que l'homme ait des pouvoirs. Mm-hmm. Des pouvoirs pour que l'homme ait des pouvoirs sur la matière, que l'homme ait des pouvoirs à tout, whatever. Faut que ça puisse servir, à la fondation d'une civilisation nouvelle, faut que ça puisse servir à la construction d'un air neuf. Puis on n'est pas là. On est à la fin de l'essai. Puis il y a beaucoup d'expériences, d'âmes, il y a beaucoup de karma sur la Terre à être vécu avant que l'homme puisse. Et si l'homme vivait, si l'homme devait vivre une étroite relation vibratoire à travers son corps éthérique et les forces de lumière, à ce moment-là, ça serait fait d'une façon totalement anonyme, en relation avec sa propre expérience. Mais ça ne serait jamais public, ça serait jamais publicisé. On ne pourrait jamais s'en rendre compte physiquement. Ça ne serait pas croyable. Ça ne serait pas croyable, oui. Ouais, c'est ça. Ou crédible. OK. Ça serait réellement voilé. Ouais. Parce que l'homme n'est pas prêt à traiter avec ça. À cause de son ego. Est-ce que c'est à cause de la croyance que ça déchaînerait? C'est à cause de la filiation que ça créerait avec ceux qui en disposeraient. Donc, ça détruirait tout le travail que les forces de lumière aujourd'hui sont en train de faire sur le plan matériel, qui est celui d'individualiser l'homme. Faut que l'homme entre dans son individualité intégralement. Quand un homme est dans son individualité, puis qu'il rencontre un homme qui est dans son individualité, s'il y a des choses qui se passent dans leur environnement propre, occulte, whatever, ça ne change rien dans leur vie. Mm-hmm. Ils sont plus affectés l'un par l'autre, ils sont plus influencés l'un par l'autre. Ils connaissent trop le projet occulte de cette filiation-là. Mm-hmm. Mais un homme qui ne serait pas conscient, qui aurait de la spiritualité, c'est sûr, automatiquement, il aurait tendance à faire de ces personnages-là des maîtres. Il aurait que de la personnalité, puis ça fait totalement... Ça va complètement à l'encontre de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, le que de la personnalité. Donc, si on regarde ça dans un sens de, mettons, 100 ans, la ressource ou la puissance que l'individu qui se conscientise pourrait disposer, c'est simplement une centricité. La centricité, c'est la fondation de l'être nouveau. La centricité, c'est comme si tu prends un arbre, tu coupes toutes les fruits dessus, tu laisses être le tronc. Mm-hmm. Puis après ça, une fois que toutes les fruits sont coupées, les branchettes, puis qu'il y a le tronc, là, il repousse d'autres branches. D'autres fruits. Mais il faut que l'homme arrive à cette centricité-là. Puis ça, c'est l'abolition en lui du pouvoir des égrégores. C'est l'abolition en lui de tout ce qui est involutif. La neutralisation de tout ce qui est involutif. L'homme se sent réellement de plus en plus libre dans cette conscience-là. Mm-hmm. Et ça, c'est la conscience de l'avenir. Donc, faire juste un travail d'en arriver à une centricité, ça peut prendre facilement 15-20 ans. Ça peut prendre un bon deux cycles de 7 ans. 14 ans. Puis une personne, maman, qui ça dépend de l'individu, ça dépend où l'homme va. Les individus vont pas devenir centriques au même niveau, parce que pour devenir très, très centrique, il faut quasiment vivre une note très très étroite avec les forces de lumière, puis voir toutes les games qu'ils peuvent jouer, Quand tu deviens très centré, tu deviens par le fait même très conscient. Tu deviens conscient de l'homme, tu deviens intelligent de l'homme, tu as une voyance périphérale, tu as une voyance horizontale, tu as une voyance verticale. Fait qu'il n'y a plus de limite à ton esprit. Par contre, les hommes n'ont pas tous les corps pour supporter ce genre de travail, de lutte, d'investigation occulte de leur relation avec les plans. Mais l'homme peut assez facilement en arriver à avoir un haut degré de centricité. Puis quand on a un certain degré de centricité, on le sait. Ça fait partie de notre vibration. C'est plus un état psychologique, c'est réellement psychique. Ça. La conséquence de cette centricité-là, vous l'avez dit, c'est une lucidité, mais est-ce que ça passe dans son échange avec les autres par le biais de la parole ou par le biais de certaines actions créatives particulières? C'est une très bonne question. Ça. Mon expérience me démontre qu'il y a des gens qui ont un certain niveau de centricité, puis qui ont une certaine parole, qui ont une certaine créativité, mais leur centricité peut être faussée. Ça peut se fausser facilement, la centricité. La centricité, c'est, pour que ça soit réel, il faut que ça soit accompagné de la transparence de l'ego. Puis s'il y a de la transparence de l'ego, automatiquement, il y a un très, très, très, très, très, très grand respect de l'homme. Une aptitude à reconnaître l'intelligence des autres. Une aptitude à respecter les autres. Les autres peuvent avoir une intelligence à un certain niveau, à un certain niveau, à un certain niveau. Mais le respect de l'homme, ce qui est plus fondamental à la conscience, c'est le respect de l'homme, qui est l'équivalent de l'amour du mental, pour l'homme, au lieu de l'amour spirituel, là, catatonique. Là. Fait que le respect, c'est fondamental à la transparence. Si vous avez le respect de l'homme, puis vous êtes transparent, à ce moment-là, votre centricité est réelle. Si vous n'avez pas de respect, vous n'avez pas de transparence, votre centricité semble réelle, mais elle ne l'est pas. Dans ce sens qu'il y a dedans une très grande faille qui éventuellement peut vous amener à une certaine perte, à une certaine destruction ou à une certaine aliénation de l'être ou des gens avec qui vous êtes en relation. Parce que l'homme éventuellement va voir à travers. L'homme éventuellement va rentrer dans sa propre identité, dans sa propre centricité. Puis un homme conscient qui a une certaine centricité, puis qui a une certaine individualité, qui vient à un point qui en passe plus gros. Parce que tant que l'homme s'en fait passer, ben, il a encore de l'expérience à vivre, mais éventuellement il s'en fait plus passer. Puis à ce moment-là, ben, sa centricité est suffisamment développée. Mais le grand danger de la centricité, c'est que si elle n'est pas accompagnée de transparence et de respect pour l'homme, la centricité, il y a une faille dedans qui est très dangereuse. Je vous remercie beaucoup, Mme Lamoréal.